Le printemps est enfin arrivé et pour vous préparer pour la belle saison, le magasin Canadian Tire est fin prêt. Que ce soit pour les articles de piscine, tondeuse ou le centre du jardin qui ouvrira très bientôt, le magasin Canadian Tire a tout ce qu'il vous faut. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Adolbo-Mistassini, canadiantire.ca. Le magasin Canadian Tire tient à souligner le mois de l'arbre et de la forêt. La forêt, un des moteurs économiques de notre secteur. La chronique de pêche de Claude Roy est une présentation de votre magasin Ferlac, qui est maintenant dépositaire de la marque Ecotone. Surveillez nos différents circulaires pour voir les différents spéciaux dans les articles de pêche, de chasse, ainsi que le plein air. Le magasin Ferlac, au 727 boulevard Vézina d'Olbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-3919. On va parler de pêche avec la toujours très intéressante chronique de pêche avec Claude Roy. Salut Claude! Bonjour, ça va bien? Ça va bien, Claude. On va parler de grosseur des leurres. On en a parlé la semaine passée, puis tu veux parler de la grosseur des leurres. C'est un rapport avec l'attaque des poissons, c'est ça? Oui, ben c'est ça. C'est parce que il faut comprendre que les gens, des fois, ils vont dire, nous autres, on va à petite truite, on prend un petit leurre, puis quand on va à grosse truite, on prend un gros leurre. Ça n'a aucun rapport. Un leurre, ça a été inventé et créé pour imiter la vibration d'un poisson en détresse, c'est-à-dire un poisson qui s'est fait attaquer ou qui est en train de mourir. Okay. Un poisson qui est en train de mourir a une action qu'on appelle erratique, c'est-à-dire que l'action n'est pas égale. Quand on marche, on a toujours le même pas, alors que quelqu'un qui boite, par exemple, n'aura pas le même poids, le même pas que nous autres. Okay. Il va boiter, donc on sait qu'il va avoir un handicap. Les leurres imitent exactement la même chose. Un troll, c'est fait pour représenter un poisson qui est en détresse. Okay. Donc, quand on prend un leurre qui est petit, la vibration de ce leurre-là est vraiment rapide. Et ça veut dire au poisson que l'appât qui est en avant, que le poisson qui s'en va en avant, oui, il est blessé, il émet une vibration de poisson blessé, mais pas tout à fait assez blessé pour être capturé facilement. Okay. Donc, le poisson qui a froid ou qui a chaud, à cet ainsi de l'année, il a froid, puis un peu plus tard en saison, il va avoir chaud. Ben même s'il est dans l'eau, on dit le poisson n'a pas chaud, pas froid. Oui, il a chaud, puis il a froid. Et il va trouver son eau, il va trouver sa température. Tout le temps, quand il fait chaud, comme une journée comme aujourd'hui, vous irez courir dehors, vous allez voir, vous ne serez pas confortable. Donc, quand un poisson vient pour courir un leurre dans l'eau chaude, si le leurre a une vibration qui est trop grande, il ne courra pas parce qu'il va dire je vais dépenser trop d'énergie pour aller chercher quelque chose qui m'apportera pas assez d'énergie. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Quand on prend un leurre, on est mieux de toujours prendre des leurres démesurément gros, plus gros mais légers. On en a dans l'industrie. Il y a différentes compagnies. La compagnie Camille, entre autres, fait des leurres qui sont légers, mais avec beaucoup de volume, pour être capable de représenter ce poisson-là qui est en détresse, mais qui est en bonne détresse. Donc, un bon poisson en bonne détresse. C'est ça que les vibrations, c'est ça qu'une troll, ça imite. Quand les gens disent « je pêche avec un leurre tournant, c'est monté sur une tige, puis il y a une petite palette après ça. Il y en avait des leurres comme ça qu'on appelait des bobites à l'époque. Aujourd'hui, le temps de la bobite est passé, puis on pêche avec des leurres. Donc, les gens connaissent toutes la Toronto Wobbler. Mais en réalité, cette troll-là a été inventée dans une ville qui s'appelle Peterborough, à peu près à 75 kilomètres de Toronto. Mais pour être sûr de ne pas appeler ça une Peterborough Wobbler, on appelait ça une Toronto Wobbler. Depuis le temps, on appelle ça une Toronto Wobbler. Mais c'est un leurre qui va imiter. Puis dans Toronto Wobbler, on a de 1 pouce à 4 pouces. Fait que je dis aux pêcheurs le truc suivant. Si vous voulez prendre un poisson, vous êtes mieux de prendre un leurre qui est plus gros, mais vous éloignez, on en a parlé la semaine passée, vous éloignez l'appât de la troll. Vous allez mettre jusqu'à 8 pieds de monofilament derrière la cuillère. Ceux qui veulent pas écouter, continuez de pêcher avec 12 pouces puis votre gros verre, puis venez pas me demander de conseils. Moi, je suis comme ça dans la vie. Moi, je vous dis exactement comment ça fonctionne. Prenez un gros leurre. C'est avec 8 pieds de monofilament, on peut pas le lancer. On le dépose à côté de la chaloupe. C'est fait pour de la pêche à la traîne. Puis à 8 pieds de monofilament, puis une petite bouchée de verre dont l'hameçon va être dégagé, va imiter un vrai petit menet en détresse. Et le poisson va venir sur la vibration du leurre. On a parlé des couleurs. On va revenir sur les couleurs éventuellement. Mais c'est vraiment important de prendre des leurres plus gros pour avoir une vibration qui est plus lente, qui imite un poisson qui est vraiment blessé. Donc, ça, c'est faux que les gens comprennent ça. Un petit leurre, c'est un petit poisson blessé, pas tout à fait assez blessé, donc dur à attraper, alors qu'un gros leurre représente un poisson qui est blessé, qui va être facile à attraper pour la truite ou le doré qui va le convoiter. Donc, ça, c'est vraiment très important. Non, mais écoute, en terminant, la semaine prochaine, on va revenir sur les couleurs des leurres. Donc, les gens qui veulent prendre des notes, ça va être important. Les couleurs des leurres avec la grosseur du leurre, c'est vraiment très, très, très important. Donc, on va revenir avec ça. Merci, mon ami.